C'est pas des imbéciles, les gosses de quartier, c'est pour ça qu'ils sont vénères. Parce que ils voient bien que l'ascenseur social il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Sur leur motif.